Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir les amis. Rentrez. Le temps qu'on arrange ceci. Voilà. Oui, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Tous la pona mbokanabiso, comme toujours. Merci. Donc, taguer les autres amis, bah, au bazate, bo taguer bango, bakota. Bakota, comme ça, tout démarrer rapidement pour laisser la place naba bande comme sous oyo bazo salape ba live le kolabiso. Alors, ce qui bokoti na retard et ko handicapé ba live ya bande comme sous. Alors, j'aimerais mieux que Tozalawana attend. Donc, Nabandeko Bazate, beaucoup ko tagué Bango pour que ba rejoindre Bissot. Alors, je pense que tout va bien. Merci. Merci. Pièce contre pièce. Ah oui. Bon, n'habitez si on est encore dans cette logique-là de pièce contre pièce parce qu'on a prouvé à suffisance depuis 2 ans de prouver ma camionso. Et comme vous le savez, les hommes des tribus vont comprendre yoté. Donc, c'est inutile, tout y a kanaba pièce contre pièce, parce qu'on a prouvé ça jour pour jour pendant 2 ans. Alors, tokozala éternellement, na logique, il y a pièce contre pièce. On a prouvé, on a montré des pièces, mais bah contre pièce, y était. Bah contre pièce, y kélevé, ezalakate, ezate. Alors, tokoyikotika analogique, wanate, hein, il y a pièce contre pièce, hein. Parce que l'équipe d'en face, qui m'a équilibré, Libungu Toulouse, zéro. To me kakokende, peut-être une information, ou bien communiquer, ou bien tout ce que vous voulez, pour satisfaire Bande comme Soussou. Oyo Bazaïna logique toujours, il y a pièce contre pièce. Balobaka toujours, il y a Nzambe, Ezali, il y a Nzambe. Attendez contre Yangote. Donc, mais ça, là, ils ont mon ana. Alors, et pas une abysse au batou. Même les Asiatiques, hein, les Africains, les Asiatiques, ceux qui ont ça à l'Ikambo, et l'Ikambo, ils ont simbaté. Tobenga angoli babe, alors il faut kotika. Il faut kotika. Alors, une personne va nommer au président. Nanda kuna yo moko, batu moko bazo respecter yo te koza président. Na bureau na yo moko, personne te respecte koza président. Yo zo loba, yo telemi. Ba subalterne na yo o ba kokani na yo te na fonction, ma boko na ba poche, yo koti, si ni moko te ki une autorité a wuti kokota, et na niveau ya pays pe ndenge moko, toke na parti politique na yo, personne ne te respecte, toke nde na niveau sous-régional, personne ne te respecte, Tant qu'il y a un niveau régional, personne ne te respecte. Tant qu'il y a un niveau international, personne ne te respecte. Alors, tika, ezali libabe. La culture nabisho africaine, même culture asiatique, ma pays moussous y Asie, ezali libabe, il faut laisser. Tika. Ne force pas la nature, ma force la nature t'es. Tu bato bo monaka non, mutuana na musala wana zan expérience. Mutuana na musala wana zan expérience. Mutuana na musala wana zan ina boye. Ça ne vient pas au lalio la mouika ka boye, ba bombarder yo bon. Tu deviens professeur d'université. Oko kima. Oko kima. Parce que ça se prépare. Devenir professeur d'université, et zalite au lalio la moukino, au lotindoto, mbalamoko, batio na kate auditoire, au bandi kotangisa. Oko kokate. De même avec le président de la République. Moussala na président de la République, et zali donné na tout le monde. Il y a des initiés, les gens qui sont préparés pour ça. Exactement, parce que tu es né à cause d'un accident biologique ou bien un accident démocratique. Donc, un accident biologique, tu te retrouves dans une famille d'un politicien. Appartenir à la famille d'un politicien ne vous fait pas un président de la République. Kobota mana famille ya politicien. Ezope sa yo droite ko devenir premier ministre ou président de la République. Ça se prépare. Alors, accident, il y a démocratie, entre guillemets. Au botami, na famille, il y a parti politique, Mokoboye, ça ne te donne pas. Les droits, il y a au comme président de la République. Les droits, nazoloba dans le sens, il y a intellect. Parce que pour devenir président de la République, il y a beaucoup de choses, toloba, toujours. Alors, Ndeko, ça la introspection, ce que Monique, biloko la nyo ozo rempli à ta critère, mon côté. Mais il faut laisser. Il faut kotika, parce que ce que tikite, osali ko s'entêter, vous continuez. Et banda kozala toujours ba résultat moko ya auto bengaka na wuti koloba ya libabe okende awa te balingi yote osala boyete osala boyete donc ezali libabe ça signifie tika. Bon, on est vitesse hein, avant to côté déjà mais je disais na ebandeli peut-être communiquer ou bien une information. Nazali koluka. Ngai te men. Bazali koluka à travers ngai. Un professeur d'université congolais. À travers ngai. Il y a une université, Namboka Corée, Ezali Koluka, un professeur d'université pour Abandako Tangisa, ce qui a Zali Namboka, il y a Corée, Abandako Tangisa, na troisième mois, autre Zali mois de février, le mois qui vient à Abandako Tangisa. Ce qu'azali na Congo te, pardon, na Corée te, abanda kotangisa na 8e mois. Mais, condition. 1. Zala na diplôme ya doctorat. Diplôme ya doctorat na yo, na terme congolais, comment na koyiko benga yango, Ozu yango avec distinction, il y a voilà l'équivalence en Afrique, l'équivalence na Congo c'est combien? Bon, Toloba équivalence aux huit distinctions na yo, na plus de 85%. Soko zwaki 80 koyate. Soko zwaki 84 koyate. Ozala na diplôme ya doctorat na science politique, na droit, na anthropologie, na droit de l'homme, wana ezali ba condition ya liboso. Na côté académique, zala na diplôme à doctorat, ozwa yango en général avec plus de 85%. Ah, j'ai oublié une expérience, il y a enseignement supérieur, universitaire, il y a 2 ans. Aussi au Tangisa, 2 ans ou plus. Wana au niveau académique. Na niveau ya communication, zala na maîtrise ya langue coréenne. Zala na maîtrise ya anglais. Soki ozali muto uti na mboka o balobaka anglais te. Bon, c'est le Congo ngam na lobby parce que les professeurs qu'on cherche doit être congolais. Il faut présenter un résultat ya test ya anglais. TOEIC T. Na lobby bien TOEIC T. Et ma condition ya combien de pourcentage na koyiko pesa yo une box sokoyé. Alors, na maîtrise ya langue coréenne, il faut Ozala, au satisfaire na plus de 80% na topic. Topic ezali test ya langue coréenne pour na kosala musala na Corée. Soki outi kozwa, ozala ki kaka étudiant comme ça, ya doctorat, ozui doctorat na yo, ko pousa na te. Avoir un doctorat ne vous donne pas le droit de devenir professeur d'université. Ezali na ba étape oyoko iko leka après doctorat na yo et ko permettre yo okoma professeur d'université. Pourquoi anglais na coréen? Parce que spécialité na yo ba cours ba ndako pesa. Oko pesa cours ya globalisation. Ba cours biso to pesa ka. Globalisation et politique. Okopesa yango na niveau ya graduat, okopesa yango na niveau ya master. Na niveau ya graduat ezali introduction, et okopesa yango na niveau ya master na doctorat. Ezali na cours ya ONG, organisation non gouvernementale et système des Nations Unies. Okopesa yango na niveau ya graduat. Tozali na cour ya multiculturalisme. Okopesa yango na niveau ya graduat. Tozali na cour ya risk management. Gestion des risques. Okopesa yango na niveau ya master na doctorat. Soki ozali na ba condition ana nyonso topesi, yaka na inbox okozwa musala. Makamba salaire, toko yuko diskute awate, so linko yeba salaire, kende na Google, tala un professeur d'université à Corée, touche combien? Okomona yango. Mais nga na yeko bakisa condition mususu, nga nga muna bakisi. Université te nga mutu na bakisi condition wana. Nako prefere mutu wana za la muluba. Oui, bien. Nako préféré mutuana azala muluba. Parce que dans le temps que je vois ça, et si ka ako jwa musala wana ako yoka son. Comme ça, ye ako zala ambassadeur ou ambassadrice na biso, yako reedike ou bien ko edike, bande kona biso mususu baluba. Na ba regle nyon sekseksyon ezan agate, bo bandi deja ko vwa vila, ko titi la, alobi komba baluba, alingaga baluba te. Awa nazo pesa musala, soyo muta pesyo musala, alingi yo bi alingi yo te. Soki muta zo pesa bino musala, alingi bino bi alingi bino te. Kondisyon nga ina pesi, mutu wana za la muluba. Alors, na nivo ya kore, je ne pense pa ezana muluba moko, azana diplôme ya doctorat na Corée na lobby parce que bino lukute l'équipe bino mingi na Corée je ne pense pas que zaina moluba azana diplôme ya doctorat même si azali je ne pense pas que azwa yango na plus de 85% même si azali je ne pense pas qu'akoyi kotangisa na niveau ya graduat je ne pense pas qu'akoyi kotangisa la langue coréenne parce que exigence de la langue coréenne ezali parce que au niveau des graduat oko tangisa na koreyen, denge biso to tangisaka. Na nivo ya master na doktora, oko tangisa na angle. Oh no, na vande ki na Afrique du Sud. Na sala ki deza na Afrique du Sud. Na lobaka angle. Angle ya ko tangisa za ko vanda na mboka na deux ans te. Il faut présenter test. Il y a moins, il y a deux ans, il y a anglais. Mais bon frère, bon moni, dans ce travail pour vous aussi, hein, na luke le bino moussala, professeur d'université, na mboka Corée. Oroleka test, mi balé. So ki ba ko engage au loko la professeur assistant. Mupaya, ozana bezwe ya test wanate. Mais soki ozana ba test, bezwe ba test mi balete. Moko kaka, test a université. Mais soki okozala engager professeur full, loko la biso, okoleka deux tests. Ya li boso ya université, le corps académique, okoleka test ya deux jours ou bien trois jours, test écrit, test oral et test ya suka pratique bakosa loko la mock auditoire bako benga ka ba professeur msusu ba vandi loko la baza loko la ba étudiant okopo na sije moko o bandoko tangisa o préparer yango o tangisi bango ndenge biso to salaka. Alors na niveau ya master na na doctorat soki o vanda ki na Londres pendant 2 ans 3 ans o vanda ki na États-Unis pendant 2 ans o vanda ki na Afrique du Sud pendant wana ekopesa yo accepter ba engager yo il faut un test il faut zala nango. Voilà mes chers amis tozoro kwa ka musala pona bande ko na biso hein? Oyo amonika azali pre ou bien azana ndeko na ye azali pre soki ndeko na azali na kore a contacter biso inbox comme ça na mois na 3e mois awa ndeko na zo banda otangisa soki azali na kore te azali banda processus ba visa peut-être azana famille na ye ti famille aya kana famille peut-être pour biso pe bandeko na biso comme na pesi condition ya ngai il faut azala muluba bandeko na biso bazala peut-être au moins na bana 10 12 13 14 avec une femme. Alors, les temps, bon, ça a babilo quoi, nous c'est immigration, bana nyon so wana na yo moko na mwasi, ce qui bana baza 14, na mwasi, na bana, bino nyon so 16. Processus ça, gozo moi quelques mois, et bon, conseil na wopé sa pe so ki oye, koko misambo kabat moulungete. Voilà, merci. C'était juste, c'est une information vraie, mais tout ça, mon sens, moi, à go taquiner pour que, bon, mais qu'un peu comme bon moment, bah, stress. Tokota na makambo ya mboka mboka na biso. Ah, avant tokota na makambo ya mboka, na cadre toujours ya information. Information bien notice. Mes chers amis, ce qui n'a l'obaki que moi je réponds à tout le monde. Dans une de mes vidéos na l'obaki, ce que vous avez na likambo ko solola ngai. Kokende ko tungisa bato mususu te. Kokende ko tungisa Kerwin Maizo te. Ko tungisa Fabien te. Ko tungisa ba mi mususu te. Lukanga na Messenger, vous posez votre problème. Na lobaye ke na répondaka mutu nyonso, mais ça ne signifie pas que na répondaka na makambu nyonso. Congolais na yebite. À part Félix a sopé sa bisou moutou passe. Na bande konaye ba Rwandais. Na Kabila. Bande konaye bisou pe ba Congolais ba sopé sa bisou moutou passe. Mes chers amis, tozana na moussala et belé à kosala. Comment expliquer quelqu'un qui vous écrit chaque jour? Prof, bonjour, bonne famille, bonne santé. Prof, bonjour, bonne santé. Prof, bonjour, bonne famille. Chaque jour, la personne n'écrit que cette phrase. Il faut y répondre, hein? Santé bien, famille bien, santé bien, famille bien. Mes chers amis, Ezali consuming ta, excusez-moi, Ezali ko bon manga R pour rien. Sokozali kambakoloba. Prof, bonjour. Boni boza malamu, santé za malamu, na contacté yo pour na likamboboye, pour na likamboboye, pour na likamboboye. Voilà. Donc, vous attendez au komeli ngana no prof, bonjour, bonne santé. Ngana répondre, hein, naza bien, bonne santé, santé bien. Ah, boni ndaku, ndaku bien, basani boni, basani bien, bakiti boni, bakiti bien, bana boni, bana bien. Après, si ko yo ko banda li solo na yo. Mes chers amis, tout évolué quand même. Hein? Toza na tan ya Néandertal, te, hein? Oza li kambo, bezo ya koloba li kambo, loba mbala moko, bonjour, kota na li kambo li koloba. Ke oze la ka, ba repondre yo sante, ba repondre yo boye, ba repondre yo boye, apre waya ko loba li kambo zara ki nan go bezwen. Mes chers amis. E batu oyo bazo ya poto salisa. Na loba yi ke na go salisa susu ba Kongole te, paske na detay yango, a maintes reprises, mais les gens reviennent. Ce qu'on répondre était, yo le bac qui répondait à Namoutounio, se dit, na le bac qui n'a répondu à Namoutounio, n'a répondu à bonne santé. Franchement. Et ce qui olingi, tout salissa yo. Mes chers amis, ngai na le baka, na yebi sakabino, je ne suis pas contre Balouba. Na yini Baloubate. Alors, ce que vous allez comprendre, Ngate, mon cher ami, vous allez idiot. Moi, Ngana Lobaka, Nalinga Kabaluba, Tshisekedi Zete. Nalobaka, jamais que Nalingi Baluba n'y sauté en général. Nazana ba ami Baluba. Nazana famille, na Baluba. Tozana bana. Alors, ce qui est dans le bien, c'est que je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Ce qui est dans le bien, c'est que il faut que vous fassiez un bongo dans le bien. Quelqu'un qui cherche tout ça, ça y est. Abundani, koluka contact, tout ça, bon, voilà, ndeko mususu, bon, tout ça, la kamalamo, prof, pardon, salisa motoyo. Pardon, prof, sali, ça y est. Bon, ça va. Pour na yo, ils allaient peut demander à Liboso, sali pas nangai. même si to loba to kosala sa souba congolais te tika to buka mobeko na biso moko to meka kotala dans quelle mesure to koyi kosala sa moto oyo. Mes chers frères et sœurs, ce que vous allez mouluba ko bomba te et na tout na kapete oza ekoloni. Quelqu'un qui me dérange, to salisaye, qui dérange mes amis, pardon, yebisa prof, a salisanga, nakokufa, nakokufa, nakokufa. Bon, voilà, aya, pesa kombo na yo, apesi. Ah, obala, pesa kombo ya partenaire na yo. Et comme il dit, kouma kombo a partenaire zo yate. Oh, nige nini, oza na ye, toza na ye. Mais pesa na kombo na ye, na yebi, comment est-ce que je peux m'arranger pour na salisa? A profomoni kombo ezoyate po yo lingaka baluba te. Mes chers amis, ngai même si nalobaki na kosa sisu ba congolais te, mais soki na moni muluba moko azana souffrance makasi par rapport ya musuku ndeko nanga, je préfère nasaye sa moluba. Parce que bande kona biso bazali wa wa wa wa wa. Naza toujours kwa akimile ba benediction ya kosali sabino. Naza kwa akimile ba benediction ya kosali sabino. Vilipendez, faites ce que vous voulez. Ngai nazali kwa akimile ba benediction na ngai pa ya nzambe ya kosali sabino, ya kosali sabino. Ezali blague te, au monde bamboka oyo parmi les trois pays riches du monde. Les trois premiers pays riches du monde, bazana pays à démocratie, ce que mutwa kei na mokanda, famille na ye koya, quelqu'un avant de séparer na famille na ye, bana tika, bana na mwasi, atika na Congo, 9 ans ya séparation. Prof, tale la biso likambo, pardon. Ah, totala kaba photo pe ya bana quand même banango lokola bana ngamoko souffrance quand même boyeza malamute na ko sala moi nécessaire coup de téléphone na ministre mboka wana te yebani salisa a prof yupe oyaka kaka boye kaka salisa kaka investissement oyaka te pa oyebi kaka bamboka na biso wana investissement ngo mbongo batu bazozo wa president na famille ya president biso ba bola mbongo ya ko investir na ba pays industrialisé ozo wapi biso ba congolais ba bola soko ko investir ko investir wapi na Botswana okene ko investir na Djibouti okene ko investir na Uganda na Burundi mbongo ko ko investir par exemple na Angleterre ozo wapi parce que mbongo investissement na Burundi soko zana même na $5,000 eza investissement. Alors, bana bola ko zo mbongo wapi ko investir par exemple na Londres. Oko zo te. Alors yango ifuto yaka kaka, aide kaka. Bon, ça va, on va aider. Bon, moni na Facebook na biso to che message ya ndeko wana. Azako lela. Prof, na yebite ozala ta pembeni. Oza la ta pembeni na yamba yo na ndenge ko comprendre te. Prof, 9 ans ya séparation, nga ina famille na bana, espoir ezala soute, na mona ba avocat, na mona ba député, na mona ba twa ndenge na ndenge, espoir ezala soute, ba bloka nga yi, famille ezate, ezakaka, koluaka mwasi mususu, mena lingi mwasi nanga, na lingi bana nanga, na lingi ko bala mwasi mususu te. Prof, oyo sali ezali miracle. Mais non, c'est un miracle, c'est ça. Bénédiction n'angai. Ovanda kakabueno, na makambozo sala ya malamu. Kuna bazana bezwe na yo, conseiller ya premier ministre. Ovanda boye, parlement, prix d'excellence. Na musala na yo, ozo sala na azi. Prix d'excellence. Bole kana Facebook, ba photo ezali. Un parlement qui donne à un citoyen, au hasard parlementaire, un simple citoyen, moutouambo kana bangote, ndeko na bangote, obala bangote, ba vandi po ba sale la yo prix d'excellence, ba tche kombo na yo parlement na biso, po na musala na yo ozo sala na Asie, na Pacifique. Asie na Pacifique, soribo yebite zali bamboka nini ba peyinyo so ya Asie. après où est-ce Pacifique bamboganin Australie Nouvelle-Zélande vraiment parlement mubimba pour pas payer yo prix d'excellence kaka boyo kosi bango non ozalaka na yo ata professeur te osalaka ata msalamuka barifije te oni ayebiyo te okosi bango na katia mboka na bango pe bakosami bake na parlement sans vérifier bazui prix d'excellence ba pesi yo bazui prix d'excellence ba pesi yo mais il faut ozala idiot pour na comprendre ko lo babilo ko ndengwana donc ezali ba bénédiction na biso Nzamba azo pambola toujours. Azo pambola, azo pambola, azo pambola, azo pambola. Bino pe kuna miteme zo vimba, ezo vimba, ezo vimba. Na Afrique pe na Congo, esika ba tretaka malade miteme zate. Boko kufa pamba. Boko kufa pamba nazali beton. Ezali ya blague te, nazali beton. Ce que vous comprenez, Ezali, que Nabiso na Congo, Eza culture Nabiso. Congolais soko sekisiye. Congolais soko zali très facile, easy going. Congolais a profité à Monelio. Donc, bandeko nyon so bozo ba milvor. Pourquoi? Parce que bazo mona yo. Ba mesali na bato yo, po mona minu na ye za pasi. Ba mbata na bango. Un professeur d'université à Kinshasa, po mona minu na ye. Na yebite soki ozali camarade na yebende geni. De professeur solaka na bana classe te. Babi magana ba étudiant na bangote. Omo na professeur na kati ya restaurant bazoli na ba étudiant na ye. C'est rare banda na zala na Congo ti na longa na Congo na tiko mona te professeur soit ngamoko obi ba étudiant mususu na yo akeno na professeur na tokende ki na ville na restaurant tokende ki tokota ki malewa na lemba jamais. Alors ba mona Moto o aza professeur, azo seka, o bengi la telefon na yambi, o komelie inbox a répondre yo, o fingiye a répondre yo. O aza professeur to. Menon, bandeko bavandi na diaspora ba yebi. Mingi bavandi na Europe, na États-Unis, na Canada, na Japon, na Corée, ba mboka ebele. Ba professeur rebelle so omoni na nzela na metro. Ba yebisho o aza professeur okondimate. Soki ba yebisho ke mutu aza professeur okondimate. C'est comme ça. Ba professeur erku rebandi. Ba sala katou ba se familiarize na ba étudiant. Ba koma ba camarade na ba étudiant. Ba professeur ba se kaka. Okazo ake neko mela ezali ba ke mela. Yako lia ezali ba ke lia. Ba ke pe night club ba koti. C'est ça. C'est ça. Mais na Congo soko la kisi attitude ya boye, Congolais a monelio. C'est ça Congolais. Congolais a monelio. Mais mes chers amis, biso toujours continuer toujours ko pambwama. Ezali malamu. Na tongo tango tala mkaka okoyi ko yebisa Nzambe, Nzambe limisanga lelo en tout cas masumu ezala mingi te na salisa mwa mingi. Bazo pesa yo un diplôme, un prix d'excellence. Enveloppe pesa la kimena kolo bate. Un prix d'excellence. Na musala ozo sala na Azina Pacifique. Po na ko sali sabato. Ezate ke musala na petete ozo ekata bilanga. Osoko la basayi na restaurant. Po na ko sali sabato. Na bema be étudiant e belé ya Azina Pacifique. Mbok na mboka Corée, na mboka Japon, na mboka Inde, na Singapour, na Taïwan, na Bangkok, na Thaïlande. Lelo ngai soki na lobi ke élection moko ezali, si j'étais un asiatique, élection moko ezali na niveau régional. Mes chers amis, na kozala eli. Sauf au Congo. Ozali une personne à vilipende. Parce que ozo bete la bango ma bokote. Nako beta te. Nako beta te. Voilà. Toko tala maka mamboka. Boli misangai, c'était important to lobelango. Organisation de l'Union africaine. Ezolobama mingi. Ezolobama mingi. Tozo répété koyebi sabino. Toyebi très bien ke basupo a milou. Ezo tungisa mingi. Supo a milou. Ezo pesa nzela na bongote e réfléchir. C'est vrai toyebi. Mes chers frères et sœurs, Félix Kozala na Union africaine, ezali mérite te, ezali vote te, Félix n'a rien fait. Na mboka na biso na moment oyo, ezala makako mutuazala ki wana, président de la République, ezala milou mutuazala ki wana, président de la République, ezala muselekete mutuazala ki wana, président de la République, alinga ki azala, président ya Union africaine. Ezali mérite te, personne ne l'a mérité, personne n'a été élu, personne a sali test. Donc, si Félix est là, ezali coïncidence. Coïncidence que cette période ici, na moment oyo, la présidence de l'Union africaine est commis tour ya Congo. Moutonyo sa lingay kozala wana. Soi Kabila pe azalaka toujours wana na signature. Kabila lingay kozala président de l'Union africaine. Ezala yo moutozo landanga so zalaka wana. O lingay kozala président ya Union africaine. Ce n'est pas mérite ou bien examen à sali. Na zomona bat débat par-ci par-là. Mais c'est pas important. La question importante est celle de savoir, est-ce que l'Union africaine a déjà aidé un pays à émerger? L'Union africaine est un groupe, il y a des bandits, il y a des criminels. Il y a une Union africaine. Ils allaient dépendre de l'Union européenne. 72% du budget de l'Union africaine. Et allaient financer na Union européenne. Quel est ce pays de l'Europe? Oyo elingi un pays africain et émergé ou bien se développer? Citez-moi les noms de ces pays. Botange langa combo ya pays moko ya Union européenne, oyo ezali ko travailler ou bien qui travaille depuis des décennies pour développer un pays africain X ou Y. Botan gelanga komba pays wana. Boye bi sangai na réunion nini ya Union européenne. Bosibo mona une place privilégiée. Ya délégation ya Union africaine. Botange langa kombo ya réunion ya Union européenne oyo kun ba réserva place pour na Union africaine ba participer na ba réunion na bango. Mais na Union africaine ya une place privilégiée pour l'Union européenne. L'Union européenne participe à toutes les réunions de l'Union africaine. Bazali na place na bango na kiti na bango. Il n'y a pas un secret pour l'Union africaine. Alors, Bokendeko Sepela, Félix a commis président de l'Union africaine. Félix, le Kola a mérité yango. Qui yungupe a koyiko comme président yabatu. Ce qui union wana, ezalaka une union réellement africaine. Bazo dépend de l'Europe. 72% ya mbongo ya fonctionnement ya Union africaine ezo outa na Union européenne. Est-ce que nani a yebite que celui qui te donne de l'argent te contrôle? argument à l'Union européenne est que présence na biso na ba réunion ya Union africaine ezali poto ye batoza la sûr que mbongo na biso tozali ko pesa bango 72% ya budget na bango bazali ko utiliser ngo ndenge biso to lingeli argument na bango yangwana. Et ce qui m'a mené parmi les raisons, le colonel Kadhafi a été assassiné, et ça a été un problème, il y a l'Union africaine. Lui a demandé, bon, ce qui va payer à l'Union africaine, vous allez dans le bon côté, Libye a cofinancé 50% du budget, et les restes de pays vont financer 50% au Épicali. Personne. Personne alors aya kondima po abimisa mbongo wana pour pas financer l'Union africaine. Alors, dites-moi, Félix Azali wana ou bien l'Union africaine, ezali wana po na ba africain ou bien ezali wana po na ba criminel de président. Bo tangelanga développement moko ya Union africaine à sala na mboka moko X ou Y. Citez-moi un pays. Citez-moi un pays africain qui s'est émergé ou développé grâce à l'Union africaine. Tous la kaba idiot, hein, s'il vous plaît. Félix Azaliko a comme ma solution dans le conflit de l'Union africaine. Avant de quitter l'Éthiopie, il a promis il va voyager dans Bamboka. Donc, lui cherche toujours astuce pour na kobimisa mbongo na caisse à l'État. Il va voyager dans le pays de l'Union africaine. Donc, le 53 pays wana, Félix a voyagé dans moko moko moko moko moko moko nango. Alors Bobé t'as déjà ba machine, ça fait combien? Oh Félix a l'unique obimisa bino yango. Comme d'habitude. L'Union africaine est allée pour un intérêt à l'Africain. L'Union africaine est allée un groupe, un club de criminels de présidents africains. Pour se soutenir entre bango, ce n'est pas pour les Africains. Un bazar nous dépendant de l'Union européenne. Mbongo ou Félix a développé l'Afrique. A cause de yango wapi. Ce qui est l'Union européenne, baboyi ba opesate. A cause de yango wapi. Ils allaient vraiment m'avoir. Donc, ce qui m'a yé le namoutou exaté, ce qui bongo exaté, ba dirige à Kanabilo kwa boye mativisme, ba dirige à Kanabiceps, ma kofi, ba dirige à Kanabatak. Comme nous parlons, Nabatak, Nabiceps, ba arrestation, ba assassinat. Les rapports y a droit de l'homme pendant les 2 ans de Félix. Félix a fait assassiner 4 100 Congolais. Pendant tant naïe à 4 ans, bah Congolais, bah Koufi, oh basali recensé parce que les Congolais meurent chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe. Moussou sou place à Koufapé, Moutoumoko a recensé Azate, Apolika Kesikawana, bien Bakundiye, Moutoumoko a recensé Azate. Mais ceux qui ont été recensés pendant les 2 ans de Félix, 4 100 morts. Et la situation, il y a droit de l'homme, ils allaient parmi les derniers pays du monde. Namunoko état de droit, namunoko biso bata démocratie, namunoko le peuple d'abord. Pendant ton temps, pendant 2 ans, les Congolais se sont fait assassiner 4 100. deux arrestations. Ba attack, ba insulte. Wapi état de droit, wapi le peuple d'abord. Non, liboumou d'abord. Le ventre d'abord, la famille d'abord, la tribu d'abord. Les restes, on s'en fout. Félix, président de l'Union africaine, Monde Mubimba Mutu, Moko Kaka, président Moko Kaka a félicité. J'ai dit bien. Monde Mubimba, président Moko Kaka Mutu a félicité. Les criminels Paul Kagame. Monde Mubimba. Il y a combien de présidents dans le monde? Le Congo a des relations diplomatiques avec combien de pays? Personne ne vous félicite. Pas un mot. À part chef Naye, Paul Kagame. On a vu le nouveau secrétaire d'État américain. Féliciter le président de la Commission de l'Union africaine. Le secrétaire d'État américain a félicité le président de la Commission de l'Union africaine et a oublié Félix. Est-ce qu'ils allaient oublier ou Asala Kiango volontairement? Moi, je vous dirais qu'il y a Asala Kiango volontairement parce que la plupart de l'équipe de Joe Biden, Bazali Batou, qui ont travaillé avec Obama. Le nouveau secrétaire d'État américain a travaillé dans le bureau d'Obama. A travaillé avec Joe Biden, avec Obama. Donc, il connaît très bien l'Union africaine. Il félicite le président de la commission et aucun mot pour Félix. Alors, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, M. Nzita, n'a pas union, il faut sauver Félix. Il contacte le département d'État pour envoyer le nouveau secrétaire. Secrétaire américain. Que non, monsieur le secrétaire, vous avez oublié Félix quand même. Comment expliquer, vous féliciter son substitut et au Bossanier 24 heures après, j'ai dit bien, 24 heures après, le secrétaire d'État américain s'est ressaisi pour féliciter Félix. En diplomatie, Babengango insulte. Babengango insulte. À part secrétaire d'État américain, Oyo, il fallait Nzita à pousser pour féliciter Félix 24 heures après. Il n'y a que Paul Kagame. Personne d'autre. Et pourtant, Félix a sillonné la plupart des pays du monde. Félix a été dans tous les continents, je pense à l'exception du Pacifique, l'Océanie donc, et de l'Amérique latine. Il a été en Europe, il a été en Amérique, il a été en Asie. Aucun président américain, aucun président européen, aucun président asiatique ne l'a félicité. Ezali Ezali libabe. Babengaka malchance. Malchance, makila libata, Félix. Tous les cas na point de presse de Fayoulou. Je pense que Bandeko Ebele Bolandi, tout ce que Fayoulou a dit, c'est ce que nous disons chaque jour. Nanyalandanga ite Nazali Koloba que Félix na Kabila ne se sont jamais séparés. C'est une stratégie entre les deux. Bakabwana jamais. Ils se communiquent. Ils se parlent. Preuve ezali que Bana oyo Kabila atiki, moto azo bokola bango mwasi na ye Félix. Ezali lokola na libala. Bitumba banda bobala na bitumba batu bayaka kaka kokabula botika ka bitumba te bitumba bitumba bon ya mbala oyo bokabwana. Séparez-vous. Bomona wapi libala ya bitumba chaque jour. Bakabwani. Mobali akei, mwasi akei. Moi, si a récupéré bana nyonso parce que ba mama batwa boko la bana. Moi, si a récupéré bana nyonso. Étonnant. Moi, si a récupéré na ba semeki. Ba leki, ba cousin, ba neve, ba mama. Ya mobali. Moi, si a lobi ba okendete boko tika la nangai. Mais moi, si a keko bala mobali msusu. Moi, ça qui est que bala mobali moussous, li bale koufi, azui bana na ye, etona azui pe na ba seme ki bande kwa mobali na ye, o ba kabwani, o yo ba bundaka na ye chaque jour, ba bundaka na ye tongo pokwa, batu bazo zoka, batu bazo koufa, batu bazo beta na makofi. Ba bundi, ba bundi, ba bundi, ba kabwani, moi c'est comme si bato to kabwani yo kende yo moko nga na récupérer na bana nga na récupérer na baleki na yo na récupérer na papa na yo na mama na yo tout na récupérer na garder bango na mobali na ngai asika bo mona ngoi pai wapi Kabila c'est l'homme et Félix c'est la femme, ils se sont séparés. Et Félix garde toujours le frère et sœur de son ex-mari. A sali na bango famille. Bomona wapi. Bomona wapi. Tout ce que Fayoulou a dit, c'est ce que nous disons chaque jour. Mais, na lobakango toujours, Fayoulou, les Congolais ne les connaissaient pas avant les élections. Na tango ba yeko pona Fayoulou na Genève. Batwebele baloba ki Fayoulou ba yebiete, batwebele te li depes. Fayoulou a yebanite, ndenge nini boponiye, ki va le voter. Toloba yi ke toko komi sa ye populaire. Et nous l'avions fait. To sali yango. Aujourd'hui au Congo, personne ne peut se poser la question sur M. Fayoulou. Il est connu de tout le monde. Mais ce que nous condamnons dans Fayoulou, ezali que Fayoulou azali kolanda politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Cette politique de Tshisekedi qui nous a amené na débâcle oyo. Cette politique de Tshisekedi wa Mulumba, qui a provoqué cet accident de démocratie, entre guillemets, qui a fait naître Félix. Parce que Félix, c'est un accident de démocratie. Félix est un accident biologique et un accident de démocratie. Tshisekedi n'est pas un modèle. Étienne Tshisekedi n'est pas un modèle à suivre. Azali modèle T. Tshisekedi est connu parce que, voyez, bandeko na biso tribu na biso oyo, le machiavélisme. Tshisekedi wa Mulumba n'était pas un modèle de la démocratie. Il n'était pas un modèle des droits de l'homme. Il n'était pas un parent exemplaire parce qu'il a laissé son fils sans étudier. Tshisekedi a maintes reprises Premier ministre, ministre, recteur, président d'un parti politique avec un enfant qui a raté l'école. Donc, au niveau familial, Étienne Tshisekedi wa Mulumba n'est pas un modèle. Au niveau politique, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, pas un modèle. Au niveau démocratique, Tshisekedi wa Mulumba n'est pas un modèle. Mutu mokote akoyei langa, ba preuve, le contraire nango awa. Mokote. Je mets tout le monde en défi. Tolobaki yango awa, tolobaka yango toujours que Kabila na Félix Bakabwana te. Bon, c'est parce que c'est Fayulu qui l'a dit. Bon, voilà. Tout le monde va éviter, va yokarabisoter. C'est comme des Européens. Vous allez voir ce qui na moanda, ce qui na banana, ce qui wapi. L'embouchure du fleuve Congo. L'embouchure du fleuve Congo a été découvert par qui? Stanley, Livingstone ont découvert. Mais est-ce qu'ils ont découvert? Mais, et pourtant, avant qu'ils n'arrivent, il y avait des humains qui vivaient là. Non, il faut qu'on bâtisse ça. Diéko Kao a découvert, a été le premier Européen à découvrir l'embouchure du fleuve Zaïre, du fleuve Congo. Mais il ne faut pas dire Diéko Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo, du fleuve Zaïre. Parce qu'avant Diéko Kao, il y avait des humains qui vivaient là. Donc, bah, humain, on a basé, bah, humain, c'est Diéko Kao qui est humain et c'est lui qui a été la première personne, le premier humain à découvrir cette embouchure. C'est comme ce que Fayulu a dit. C'est ce que nous disons chaque jour. Mais personne n'a connu Kolobe Lango parce que Bissot Ozali, bah, non humain. Quand je parle des non-humains, c'est dans le sens politique. Ceux qui ont fait le Sciences Po, Bayebike signifie humain et non-humain. Tolobakango chaque jour, awa, bakabwanate. Biso tolobi, Félix Azali idiot. Fayulu alobi, Azali marionnette habillée. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Marionnette a connu que ça les l'autre côté sans maître naïe. Idiot a connu que ça les l'autre côté sans beau pousser, beau salé laïe. C'est la même chose. Mais ce qui m'a fait rire dans cette histoire-là de il y a point de presse, il y a Fayulu, c'est que nos amis Milouvor nous disent que Fayulu est un Sénégalais, Keita Ndiang. Mais quand Keita Ndiang parle, Bino Bozo s'agitait pourquoi? Parce que c'est un Sénégalais qui parle. Vous vous agitez pourquoi? Et ce qui est grave, comment expliquer un leader politique d'un autre pays s'adresse à nos concitoyens? Azali koloba makambu ya situation ya mboka na ye, na bandeko na ye ya mboka na ye. Mais c'est le Rwanda qui répond à Fayulu. Pouvez-vous croire un ambassadeur congolais s'ingérer dans les affaires il y a Rwanda au Rwanda quand un opposant rwandais parle de Paul Kagame? C'est l'ambassadeur congolais au Rwanda qui répond à cet opposant. Et Salama Isikawati. Et Salema Wapi. Et Congolais Azali content nango. Mais tout le monde raba pays, Bissika to vandi. Opposition Azali, pouvoir en place Azali. Mais ce qui est payabaye ko kota na ba faire interne ya mboka na bango, il n'y a plus une opposition, il n'y a plus un régime. Tout le monde défend le pays. Il n'y a qu'au Congo, les régimes soutiennent les étrangers pour neutraliser les opposants. Ils allaient tristes. Moi, je pense que l'ambassadeur du Rwanda au Congo doit être chassé. Maintenant, parce que la personne qui est là, c'est un gouverneur. Le président de la République, c'est Paul Kagame. Félix Azali, gouverneur. C'est Paul Kagame qui dirige le Congo. Il a dirigé le Congo avec Kabila. Alors, il met Kabila à l'écart. Il prend une marionnette habillée. Il dirige avec lui. Dans quel pays de ce monde, Oyo, un ambassadeur, pas d'un pays influent, qui se mêle des histoires nationales d'un pays, et tout le monde est calme. On trouve ça normal. On trouve ça normal. L'ambassadeur rwandais au Congo est libre. Moi, je ne suis pas libre. Moi, je ne peux pas atterrir à l'aéroport d'Njili, de Lubumbashi, de Goma. Je ne peux pas. Mais l'ambassadeur rwandais au Congo est libre, protégé même. Notre armée est contrôlée par les Rwandais. La politique est contrôlée par les Rwandais. Celui qu'on appelle président, en réalité, c'est une marionnette. Est téléguidé à partir du Rwanda via Kabila. Est-ce que vous êtes content? Ça vous rend fier de vous présenter que vous êtes Congolais? En quoi? Nanini, Bokoyiko place aux alliés, on s'est présenté que je suis Congolais. Et fierté n'angaï comme Congolais, et zali po na boye, po na boye. Botangelanga ta moko kaka. Tout le monde avec qui vous parlez du Congo, au moment de l'onginaye échangé. Oh Congo, c'est la merde. Oh Congo, désordre. Oh Congo, moutou moko ta koyiko za na plaisir de se présenter qu'azali Congolais. On voit ma réclamation est bêlée, il n'y a pas d'eau à Kinshasa. Tout le baka à Kinshasa. Parce que dans des provinces, dans des villages, des villes, ne parlait même pas d'eau potable. Parce que nos citoyens, bakenako puiser maï na ba source. Ba citoyens, moussou bakenako toka maï na ba lac, yamike. Lac changea couleur, maille comme couleur verte. L'eau n'a pas de couleur, mais chez nous, il y a de ce place-là, maille a la couleur. Les animaux sauvages, bazo akomela wana bazo bebisa les humains bazo apiko toka mai place wana soki to zui exemple ekara ya Kinshasa dans beaucoup de quartiers de Kinshasa mai ezalaka soute mais chaque mois bazali kofuta ba facture ya régie des eaux et congolais naïf otozali bazali kotika bango bazali kofuta pe ba facture maye yakate mais résidu des eaux azali wana esnel azali wana congolais a peuple moko naïf na ndenge moko bokondi mati bazali kofuta mai na courant oyo basalelite voilà que Kinshasa, la capitale, manque de l'eau. Mais le président, soi-disant président de ce pays, a une solution pour la maille en Afrique. Au moment où chez lui, au Congo, à Kinshasa même, la capitale, il ne trouve pas une solution pour donner de l'eau potable aux citoyens, mais lui va trouver de l'eau pour trouver une solution en Afrique. Nalingana lobelo kama be. Nalingana ina loba eloko ya mabe. Merci Dieu pour na ko bloquer eloko ya na ebimate. Merci. Nalingana ina loba eloko ya mabe. Kinshasa azo kwa kopesa ta ver moko ya maite. Ye azo trouve solution pour na mai na Afrique. Mai yango mai nini? Denis Sassou Nguesso, pwe mususu, avato kene ko sili sa. Denis Sassou Nguesso, je l'aime pas. La linga a été. Mais quand même, il vient de faire un geste où il est louable. Il a construit une université. À la qui s'agit d'abord maquette na ba Congolais ya Braza. Ba Congolais ya Braza ba mona ki maquette. Nous avons une maquette à la qui si. Mbala moko aleki na musala. Il vient de construire même cette université. Bon, au niveau de l'Afrique, c'est une grande université. A outi kotonga université, oyo bana ya mboka na ye, bako yuko kende, kotanga. Il ne se limite pas au niveau de maquette seulement. O lokotia wa présenté, yango na kosala batu batondi. Félix vous a fait voir ma maquette ya ba pont. Est-ce que lelo ba maquette wana ekoyi ko bima lisusu bo bimisa ba maquette wana bo comparer avec les ponts qui ont été construits. Ala kisabino maquette ya mozole ya papa na ye l'escroc de Tien Tshisekedi. Est-ce que bokoyi ko bimisa maquette o Félix ala kisabino na mozole o batongi. Ekokani? Congolais Félix azote ke la bango mo pepe na ko pesa boy na ko somba boy na ko tonga boy na ko mema boy na ko bimisa boy na ko sala boy na ko sala boy congolais a gangi wo ezali beton azali beton voilà makambo ndenge président salaka congolais atondi na ko tonga bo pito wo maladi nyoso na ba congolais esili na ko tonga ba université wo beton bana nyoso batangi aujourd'hui nos enfants. Les étudiants na ba université na ba école ba na bazo tangate. Ba bar ezale ko fungwama. Ba fête ezale ko fungwama. Lui vous parle ya couvre fait ba to ba kuta na ebelete. Ye moko embarque 500 personnes a ke na bango na Éthiopie. Il vous dit plus de 10 personnes beaucoup tanate. Couvre fait pour la COVID, les étudiants restaient à la maison. Les élèves restaient à la maison. Mais il autorise à bar parce que yezamuto à bar, à messan à bar. Un de ses amis en Belgique m'a dit, professeur, ma photo, monsieur, na olinga kotin de la yote parce que na ebio tempérament na yo, ce qui na tinde ma photo na prof republié yango. J'ai une vidéo de Félix, oazo sa la pipi na bar, na Belgique, Amélie à Langwe, il a fait pipi dans les habits. A sali pipi. Viba vidéo Isali, il me dit Naza Nango. Mais na ebike soki na pesi yo oko publier yango. Soli sa koyoko kanga babarte. Parce que ye azali moutou ya mbenda. Soli sa koyoko kanga ba escro te, ba criminel o bazo yibambo wa l'etate. Parce que ye moko azali escro. Il ne fait que protéger Makamunaye. Beskro, yemoko chekouler, azo protéger bango, aokanga bangote. Babar, non, aokanga babar, te parce que ba collègue na ye ba soulard ba kendaka kuna. Mais banzela o Félix alekate yango azo kanga. Il n'est pas passé par l'université, il ferme les universités. Il ferme les universités. Parce que ayebite université zalini ayebite bana oyo ba bandi kotanga na souffrance ba futi minerval na bango il faut basili sa ba programme na bango yo kangi o bloqué bango ezali retard ozo pesa bato na vie ezali retard ozo pesa na vie si vous voulez fermer les universités à cause de Covid fermez tous les rassemblements vous fermez les universités vous fermez les écoles mais vous ouvrez les églises. Vous ouvrez le bar. Mais il faut que vous êtes malade. Okangi école, ba université. Mais yo moko ton d'ici 500 personnes na kati ya avion auquel na bango na Éthiopie. Là, il n'y a pas Covid. Parce qu'il faut pas qu'il y ait de beta maboko. Covid est zati. N'Éthiopie pe kuna. Voyez-moi cette foutaise. Un président de la République a zo tambola na ba sac ya shopping. Sac ya papier. Donc a outa ki ba course na kosomba biloko. A simbisi le garde du corps o azala kana sima président. Mouto azala na sima président. Soit. E lo ka simbaka. Ezali malette. Ba o bazali na ba arme nucléaire, malette nucléaire. Ya code. Soit ezali papier. Ya discours à président. Mais shopping te na kati kuna na ba chaussettes, na kati kuna souliers, na kati kuna moi hamburger. Oye na ngoti na kati ya salle président vandi gadi kwa telemi na sima na sac ya papier ya shopping. Non, batu o balobake ezali na kategori ya batu moko ba pesa kabango pouvoir te, bakosa te. Bakosa te. Laissez ton sac de shopping na protocole. Ok na batu 500. Na kati ya 500 wana vraiment. Soko zo tcha confiance na vilie chimangate. Soko zana confiance na bilombate. Vraiment batu mususu wana, mutu moko ya confiance azate. Bien sûr que outi shopping, outa ki na Zara ou bien na Nike. Mais zwa sak na yo a shopping. Simbi sakuna, oye nango ti na podium place au Vandi. Franchement, un président de la République, soi-disant. Quel sonne. Quel Sony. Namoni une vidéo, un frère Azali Kolobela Makambuya, ba promesse ya Félix, non tenu. Ça me rappelle encore Nakanisa, un jeune garçon que Félix avait rencontré à Kisangani. Quoi faire, ya Félix? Na luki ko benga batu ko benga po na yeba, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune garçon? Moutou moko yebo yebi sanga, oh, prof. Oyebi, moi na wana Félix akoutana na yena ki sangani, akata Félix souki. Félix a sepe la, ke bote na ye bima. Grâce à moi, Nawana, à Kataye Souki, très bien, beauté naïe et biman. Alors, Félix Alobi, Azoya naïe na Kishasa, pardon, Azoya naïe na Kishasa, à comment, quoi faire na présidence? La personne qui m'informe, Abi Prof Oyebi, Balouba Balouka, Moutou Moussousou, ou Akokana na Petit Wana. Le vrai coiffeur, il y a Félix, est resté à Kisangani. A mata avion, tendenge Félix Alobaki, lelo kaka tozo kenina yena Kishasa. Ba tika mwana na Kisangani, ba luka mutu mususu ya muluba o akokaina Félix, ye mutakata ka Félix Souki. Ye mokope ki yungu. Azo mona différence teke, oyo akata kinga azalaki boye, oyo nazo mona boya tuna, ako tuna te ki yungu. Est-ce que ça la mabongo? Soki olingite, ko promete mwana, mwana nandenge na mona kiye, awuti na fami moko ya babola. Na tango lobi ke na zuye, akata soki na presidence, eza musala te. Eza musala, fami ba sepeli. Fami ba sepeli. Akanga mwa kifunda na ye aya na aeroport po aya Kishasa balobi yoto. Yoto, olobaka chiluba, te. Ah, so olobaka chiluba, te, tikalawa. Mbangu, Kasai. Foto oyu, boko ogo yeba mutumoko ita kata suki akokanya pepre na mwana oyu. Azali, bazuye ba ye na presidence, ye mutakata Félix Souki. C'est irresponsable. Ba école e kangami bana bazo tangate. Ko tanga na école na mboka na biso ezali na ba difficulté. Moi muke o bazali ko kende peut-être ils peuvent se débrouiller. Bazo ata moi connaissance ata muke o bloqué bango pona COVID. Juste pour que o mesa bimisa bambongo, pour que ma partenaire ba bimisa bambongo, que non, COVID est allé. Mais bon, peut-être sur statistique. Bon, peut-être sur statistique. Et vous aussi, enfants, étudiants, élèves. Ben, élèves, tout ça, moi, Pembeni, les étudiants. Est-ce que vraiment Félix peut vous rouler? Boyebi très bien, na niveau nabino. Boyebi très bien que vous restez à la maison pas à cause de COVID. C'est parce que Félix n'est pas capable de payer vos professeurs. Yango azo lingabo vanda na ndaku. Libérez-vous. Libérez-vous. Mawa mingi. Voilà donc, mes chers amis, comme Torobaka toujours, idiot moko, azali idiot moko, ba idiot mi balé, bazali ba idiot mi balé, ba idiot mi satu, bazali ba idiot mi satu, soki ba idiot ba koki 1 million, ezali parti politique. Parti politique wana, Ezali UDPS. L'UDPS est constitué des hommes, eux de femmes, des tribus. Les hommes et les femmes des tribus sont des millouvores. Le millouvore sont des citoyens congolais génétiquement tshisekedisés qui ne raisonnent que sur base de leur tribu. Donc, Mpila Mosi, Biyungu. Merci pour aujourd'hui. Merci pour na Olanda Biso. Merci pour na okabola vidéo na Biso. Et nenge tozolo ba toujours bozala prêt. Il y aura des changements moko koya na ndenge ya brisque. Et bobo salate na utai koloba musala to zwili moto oyo aza capable atangisa musale monani aya kotangisa to prefera ki moto anazala muluba tozozela inbox bokomela biso. Voilà pour aujourd'hui. Bon week-end à vous tous. Bon mela mingite. Restez à la maison. Ce que vous avez na bamboka ou vous allez confiner. Rester à la maison ne signifie pas fêter à la maison. Ce que vous mela, vous meli nanda ku yomoko, na mwasi na yo, na papa na mobali na yo. Ce que vous allez yomoko, mela yomoko. Rester à la maison ne signifie pas fêter à la maison. Voilà. Merci et au revoir. Nazo zela bino bobima. Nazo zela bino bobima. Tokabwani déjà, c'est fini. Boke te volanda bande comme Soussou, allez suivre Kerwin Maizo, allez suivre Fabio Kuswanika, allez suivre Diamant Noir, allez suivre Bolia, allez suivre. Voilà, donc suivez ceux qui prennent les risques, il y a qu'on conscientise Bisso. Merci Mingi pour na Bisso, pour na Bolanda Bisso, Totika Tempo, Bolanda Bandeko Moussousou. Allez, bye bye.